Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Eh bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et puis, bah, si c'est pas le cas, je pense que 2 heures de métal vont vous requinquer jusqu'à la semaine prochaine sans problème. Surtout que ce soir, j'ai un programme bien chargé quand même, avec des nouveautés qui seront au nombre de 3. On va se faire un hommage à Cliff Burton, l'ancien bassiste de Metallica qui nous a quitté il y a déjà 35 ans, donc c'est qu'en souvenir. Et également aussi un petit hommage à Alan Lancaster, le légendaire bassiste de Status Quo, qui nous a quitté à l'âge de 72 ans dimanche dernier. Voilà. Et donc, on va revenir aussi sur les petites choses qu'il y a eu ces dernières semaines. Vous connaissez l'émission, j'imagine. Eh bien là, tout de suite pour commencer, je vous invite à faire un tour dans le Grand Nord, enfin dans le Grand Nord, déjà dans le nord de la France, avec un groupe qui s'appelle Pitcan Matcan, que vous devez commencer à connaître puisque ça fait déjà quelques semaines qu'on en diffuse. Et eux, par contre, ils sont vraiment influencés par ce qui se passe dans le Grand Nord, en Scandinavie. Du coup, ça nous donne un groupe de Viking Metal assez intéressant, assez brutal d'ailleurs. Leur album, c'est From Despair to Rebirth. Et le morceau de ce soir porte bien son nom, c'est Stay Viking. Fucking courage, fucking danger. Voilà, voilà, donc ça c'est une reprise de Blind Guardian que vous avez reconnu j'imagine. Et c'était donc Evan Shelburne qui s'y collait sur son album Veto qui était sorti en 2013. Juste avant Evan Shelburne, le premier morceau de la soirée, donc les Nordistes de Pitcairn Matcan et leur dernier album From Despair to Rebirth. Et c'était Stay Viking. On va se faire donc la première nouveauté de la soirée avec du Made in France, toujours, avec le nouvel album de Pat Homey qui est sorti il y a de ça 8 jours, qui s'appelle Welcome to a New World. Alors, bref, biographie du monsieur, hein, qui est comme un grand guitariste bien reconnu chez nous. Pat Homey a commencé à se faire connaître, les plus anciens, ça leur dira quelque chose, avec le groupe Marienthal à la fin des années 80. Ensuite, après, il a bifurqué en solo, où il a fait plein de choses complètement différentes, de l'instrumental. Il a fait beaucoup de choses avec des musiques celtiques, arabes ou encore chinoises. Il s'est accoquiné pendant un bon moment avec aussi Dan Arbraz, avec qui il a fait pas mal de choses. Enfin, et puis il a accumulé les albums et les expériences vraiment en tout genre. Enfin, je vous invite à faire un tour sur son site si vous voulez en savoir un peu plus. Et là, pour cet album, cet album de plus, par contre, c'est son premier album concept qui s'appelle donc Welcome to a New World. Alors, c'est un univers entre Matrix et Tommy Deu, puisqu'en fait, ça raconte l'histoire d'un personnage qui va prendre conscience qu'il n'a aucun sens. Il n'a pas de vue, ni l'odorat, ni le toucher, ni la parole, ni la pensée, rien du tout. En fait, il a aucune donc sensation. Donc, il est tout seul quelque part. Il est complètement dans sa bulle. Et en fait, il se pose beaucoup de questions. Est-ce que il est né ainsi? Est-ce que on le contrôle? Est-ce que tout le monde est comme ça? Est-ce que il y a autre chose? Enfin, bref, c'est un questionnement sans fin, quoi. Voilà. Donc, extrait de cet album, Welcome to a New World. Le morceau que je vous invite à découvrir ce soir s'appelle Please Tell Me Why. Not everyone knows what it's like. No, don't be paralyzed. watching the shadows with a fast beating heart, praying all of your fears they don't come out of the dark. The clock says ain't moving for the daybreak. Thunder, les vétérans britanniques de Thunder et leur dernier album All The Right Noises, sorti au mois de février, et c'était le morceau Destruction. Tout nouveau, tout beau, le nouveau Patomei, son premier concept album Welcome to a New World, et c'était le morceau Please Tell Me Why, première donc nouveauté de la semaine. Comme je vous le disais tout à l'heure en tout début d'émission, bon bah va se faire comme tous les ans un petit hommage au regretté Cliff Burton, qui fut le légendaire bassiste de Metallica sur les trois premiers albums du groupe américain, qui a tragiquement disparu donc le 27 septembre 1986 d'un accident de la circulation. Je vais pas vous raconter de nouveau l'histoire. Moi, une question que je me pose souvent, c'est comment Metallica aurait continué à évoluer s'il était resté dans le groupe, parce qu'il a été quand même en grande partie responsable de l'évolution du groupe. Quand on compare Kill 'Em All à ce qu'est devenu Ride the Lightning et ensuite Master, c'est quand même grâce à lui qui les a amenés vers d'autres écoutes, etc. Je sais pas s'il aurait suivi après l'évolution, enfin bref. Avec des si, on pourrait réécrire l'histoire. Donc, on va se faire un petit extrait du Master of Puppets, donc de la version remasterisée, donc qui était sortie il y a déjà 5 ans, qui contenait donc plein de bonus, des extraits de démos et autres. Et là, je nous ai choisi un morceau live, parce que pour moi, Metallica, c'est un groupe live avant tout. On va se faire un classique de Master, Battery. Et pour les petits archivistes qui veulent savoir où c'était enregistré le 21 avril 1986 à East Rutherford. Thank you. Thank you. Through the Never en live. Extrait donc de la réédition de Metallica là, pour les 30 ans de sortie du Black Album. Un enregistrement brut de pomme, ça c'est clair. Mais moi, j'aime bien quand le live est comme ça. Parce que quand on est dans une salle, c'est comme ça que ça sonne. Voilà, c'est clair. Juste avant Through the Never, c'était toujours Metallica, mais là en live en 86 avec le morceau Battery, extrait pareil de la version remasterisée du Master of Puppets. Et ça, c'était donc en hommage à Cliff Burton qui donc, nous a quittés il y a presque 35 ans, jour pour jour. On va revenir maintenant à ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière, le groupe de métal symphonique Esquisse, dont je vous ai présenté le premier album Instinct. Je vous avais dit ce que j'en pensais, tout le bien, etc. Même si ce genre est hyper codifié et que c'est très difficile d'être original. Sur ce groupe, au moins, il y a quand même beaucoup il y a quelques instrumentaux. Et c'est là que le groupe se laisse quand même aller à des choses très différentes de la copie conforme de Nightwish, Within Temptation, Dylan. Là, on va vraiment vers autre chose. Donc, je vous invite à un petit voyage onirique ce soir avec le morceau. Alors, je sais pas si je prononce bien. Ça s'appelle Dansvir. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ouais, vous avez le temps, ça fait 7 minutes 40 de bonheur. Tout cool. Hein. Thank you. Hop. Et non, vous n'êtes pas trompé de station, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est toujours Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Ce petit moment de douceur vous était offert donc à l'instant par le groupe Esquisse, extrait de son album Instinct. Et alors le morceau s'appelle, j'espère que je le prononce bien parce que c'est Downsvir, voilà, un joli instrumental. Maintenant, on va continuer avec quelque chose de beaucoup plus rock. On va revenir à l'album d'Alice Cooper, Detroit Stories, concept album, plus ou moins concept album dédié à sa bonne vieille ville de Détroit, qui est sorti au mois de février, où il y a quelques reprises, comme par exemple ce Sister Run de MC5, où d'ailleurs Wayne Kramer vient prêter main forte au grand Alice Cooper. Yes, she is. rock'n'roll, ça c'est clair, hein. Faire plus rock'n'roll, c'est difficile. Vous aurez reconnu le classique d'AC/DC, Problem Child, bien sûr, repris de Mad Med par Saxon sur son album Inspirations, où le géant britannique s'amuse à reprendre donc des morceaux qui ont bercé leur adolescence et voire même influencé leur carrière. Donc un nouvel album de Saxon normalement est annoncé en 2022, mais bon, wait and see, comme on dit. Avant Saxon, c'était Alice Cooper et son album Detroit Story. On a eu droit à Sister Anne, qui était donc une reprise du MC5. Voilà, donc en hommage à sa bonne vieille ville de Détroit. On va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée, avec le premier album d'un groupe qui nous vient de Portland, aux États-Unis, qui s'appelle Unto Others. Unto Others, c'est un groupe de métal gothique, voilà, qui existe depuis 2017. Enfin, quand je dis premier album sous ce nom-là, parce qu'en fait, si vous connaissez, le groupe existait avant sous le nom Idle Hands et avait sorti un album en 2019. Seulement pour des questions de droit, voilà, juridique, ils ont été obligés de changer de nom. Bon, voilà, c'est les choses qui arrivent. Donc du coup, c'est leur premier album sous le nom Unto Others, qui s'appelle Strength. Et le morceau que nous allons découvrir ce soir s'appelle Downtown. Can't you see all the wanna be? Les Lyonnais de Last Addiction et leur premier album Inner Abyss, c'était le morceau The Temple. Et juste avant, une des nouveautés de la semaine, le premier album de Unto Others qui s'intitule Strain, qui est sorti donc vendredi, donc tout chaud, et c'était Downtown. Et il est 20h tout rond sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. On attaque donc la deuxième heure d'Electric Shock avec une des grosses nouveautés de cette année 2021. C'est le nouveau double album de Iron Maiden, Senjutsu, qui est sorti début septembre. Je vais pas vous en dire ce que j'en pense, du bien dans l'ensemble, ça c'est clair. Un album très progressif, sur 10 morceaux, 8 font plus de 6 minutes, comme à l'instar de ce Death of the Celts qui figure sur le deuxième CD. Make praying the roses still awake. Lord above. Death of the Cells, extrait donc de Senjutsu, le dernier album de Iron Maiden. Bah tiens, on va le dédier le morceau à Chris et ainsi qu'à tous ses copains des Iron Troopers, le groupe de reprise de Maiden bien connu du coin. On va toujours rester avec les Anglais, avec de Conan, et on va revenir à leur live at Freak Valley, sorti au printemps dernier, enregistré pourtant en 2007 à ce festival allemand. Et donc on va se faire un peu de sludge gras et poisseux avec le morceau Total Conquest. We'll be right back. légèreté comme on l'aime ici dans Electric Shock. Les Anglais de Conan et leur dernier live at Freak Valley, c'était Total Conquest. Retournons maintenant à quelqu'un de bien de chez nous, Cyril Capel et son nouvel album .com. Et donc là, on va faire quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll avec le morceau qui donne son titre à l'album. We'll be right back. diplôme qu'il a atteint après tant d'années. Il a tellement souffert pour en arriver là qu'il ne mesure pas la grandeur de tout ce qu'il a brûlé. Il repense en regret à ce qu'il a détruit, sa fierté le rassure. Un phénix renaît. Avec horreur, les corps qui jonchent le pavé. Il regarde incrédule l'étoile qui le menait et se trouve si ridicule de s'être tant trompé. Il repense avec regret à tout ce qu'il a perdu. Sa lucidité le rassure. Extrait donc de Imagine, le dernier album des Parisiens de Barricade, sorti en fin d'année dernière. Et juste avant Barricade, c'était Cyril Capel et son nouvel album .com, et le morceau .com bien évidemment, qui lui est sorti en début d'année 2021. La suite, bah, c'est la troisième et dernière nouveauté de la soirée, avec un groupe qui nous vient d'Alsace et un groupe pour lequel j'ai un certain, ouais, un petit penchant, je dois dire. C'est un groupe qui a longtemps accompagné aussi Metal Maniac. Oui, oui, puisque le groupe, c'est de Downright Mullis que je vais vous parler. Puisque le groupe existe depuis 1987, qu'il a sorti son premier album en 1995 et que Fred avait passé à l'époque. Et depuis, ils en ont fait donc 6. Et d'ailleurs, le nouvel album qui s'appelle donc Mechanica Temporis, que nous allons découvrir dans quelques instants, est sorti au mois de juin. Alors, petite anecdote personnelle. Quand j'ai fait mon service militaire, et oui, je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de servir la glorieuse armée française, j'avais dans ma piole un métalleux qui, pour la petite histoire, je l'ai fait en Alsace, qui me disait qu'il était guitariste d'un groupe qui s'appelait Downright Mullis. Et ouais, comme quoi le monde est petit. Et apparemment, d'après ce qu'il me disait, c'était le groupe était plutôt dans la tendance Halloween, Gamma Ray, ce genre de choses. Et lui était un grand fan de Malmsteen, enfin de ce genre de guitare. Et je me souviens qu'en 1900, et puis bon, le temps a passé après le service militaire, je me souviens qu'en 1995, et ouais, ça nous rajeunit pas ça, Fred un jour me dit, écoute, faut que t'écoutes l'émission demain ce soir, la semaine prochaine, j'ai reçu un groupe d'Alsace, ah ça va te plaire, c'est du heavy trash, ça fait penser un peu à du Pantera par moment, je pense que ça va te plaire. Je dis, ah oui, effectivement, merci du tuyau, et comment s'appelle ce groupe? Il me dit, Downright Mullis. Et là, je lui dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, je lui dis que j'ai fait mon armée, donc, avec un gars qui était guitariste. Et il me dit, tiens, c'est curieux parce que, bah, le gars ne figurait pas dans les crédits. Effectivement, entre temps, bah, l'ami est parti. Et toujours est-il que, en même temps, le guitariste principal a fait son service militaire au même endroit que moi aussi, mais je ne l'ai pas croisé à ce moment-là. Enfin bon, voilà, ça c'était l'anecdote personnelle. Donc, ce groupe qui existe depuis 1987 nous a sorti donc son 6e CD. Au mois de juin, donc musicalement on peut dire que c'est un mélange de thrash, de death, de heavy, de indus, de plein de choses, et c'est très bien foutu. D'ailleurs j'aurais une pensée, je vais le dédier à Notre ami Fred Malon, R.I.P., si tu es là-haut, écoute bien, je pense que ça va te plaire. Donc, extrait de cet album, c'est le morceau « You Can Pray » que je vous invite à découvrir ce soir. Owl's Kiss, un extrait du dernier EP de Fishing With Guns qui s'intitule Under the Silver Lake. Juste avant, nouveauté de la semaine, les Alsaciens de Downright Mullis et leur album Mechanica Temporis et le morceau You Praise, You Can Pray. Ça, c'est un de mes coups de cœur de cette rentrée, croyez-moi. Eh bien, maintenant, on va se faire un petit bond dans le temps. On va se retrouver en 1991 en compagnie d'un des pionniers du ce qu'on a appelé le speed metal, Savage Grace. Savage Grace qui, à l'époque, avait complètement changé de style puisqu'ils étaient revenus à du hard rock classique. Et Savage Grace qui nous a ressorti donc extrait donc de ces vieilles démos qui sont restées impubliées de ce jour cet été. Je vous avais présenté déjà deux extraits de cet album qui s'appelle Demo 1991 New York Tapes. Donc ce soir, ce sera le morceau Crazy Saturday Night. Donc si vous êtes resté à l'album After the Fall from Grace ou Master of Disguise, vous allez être surpris. You're gonna Kick Down the Wall, c'était Riot avec un extrait donc de leur album Narita qui était sorti en 1979. Ça ne rajeunit pas ça. Ce qu'il y a eu avant par contre, c'est sorti cet été, mais ça date d'il y a au moins 30 ans puisque ce sont des démos d'enregistrement 1991 de Savage Grace avec Crazy Saturday Night. Continuons avec du live et qui est un petit peu plus récent avec le dernier live de Absolva sorti au mois de décembre dernier qui s'intitule Live in Europe et on va se faire un petit classique extrait de leur premier album Flames of Justice, c'est le morceau Code Red. Follow Code Red. Yeah! called Killing Season. Absolva, extrait de son live Beyond Live, qui était sorti en 2013. Et avant, toujours Absolva, mais l'extrait de son live in Europe, sorti donc l'année dernière, c'était Code Red et Absolva. Bah, c'est le groupe qui accompagne à la fois sur scène et en studio l'ancien chanteur d'Iron Maiden, Blaze Bailey. Eh bien, il nous reste le temps de passer à un dernier morceau. Eh bien, actualité oblige, on va se faire donc un hommage à Alan Lancaster, qui était le bassiste de Status Quo, ce groupe légendaire entre la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, donc il a participé à tous les hits. Voilà, donc encore un grand monsieur qui nous a quittés à l'âge de 72 ans, des suites d'une sclérose en plaques, bref, une sale maladie. Alors, quel morceau choisir, tellement il y a de hits, c'est pas évident. Je me suis dit, tiens, on va faire un morceau du live, parce que Status Quo, c'est avant tout un groupe live. Et pour finir, je m'étais dit, tiens, un petit Big Fat Mama. En même temps, c'est un des morceaux qui était chanté par Rick Parfitt, qui lui aussi a disparu en 2016. Donc, l'occasion de faire un double hommage par la même occasion et de terminer l'émission en beauté avec ce grand classique. Et Status Quo, ça, c'est le genre de groupe qui te fout toujours la pêche. Big Fat Mama, extrait du fabuleux live de Status Quo sorti en 1977. Ce sera donc le dernier morceau de la soirée, donc c'était en hommage à Alan Lancaster, le bassiste qui a disparu à l'âge de 72 ans dimanche dernier. Voilà. Fin de l'émission, eh bien, ravi une fois de plus d'avoir été parmi vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclaté comme toutes les semaines. Eh bien, j'espère vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine avec, bien sûr, des nouveautés comme toujours. Et d'ici là, ben, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Allez, bonne semaine à tous, à mardi, salut !